ça va les amis, c'est Thierry Gallet. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h02, comme d'habitude. Je vous dis que c'est la saga des Fab Four numéro 517. Nous sommes le 5 janvier 2022. Donc bonne année. Ah oui, bonne année, on n'a pas eu le temps de se le dire. Donc bonne année, bonne santé, plein de choses sexuelles toute l'année. Et puis voilà quoi, ce sera et surtout plein de Beatles. Plein d'émissions sur les Beatles. On est ensemble jusqu'au mois de juin pour achever cette 38e saison de la saga des Fab Four. Et on commencera au mois de septembre, puisqu'on va arrêter pendant 2 mois. La 39e saison, et puis après il y aura la 40e en 2022, la 40e en 2024. Bon, on n'est pas encore là. Pour l'instant, l'album de la semaine, vous savez que j'aime bien commencer l'année avec ça, c'est l'album Back to the Egg de Paul McCartney en 1979. On écoutera Reception, Getting Closer, We're Open Tonight, Speed It On, Old Siam Sir, A Road Through Me, After the Ball, Million Miles, Winter Rose, Love Awake, et on terminera avec So Glad to See You Here. Ça, c'est obligé, évidemment, que je passe cette chanson-là. Pour le reste, il y aura du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Isolation sur Plastic Ono Band en 1970. Harrison nous chantera Ballad of Sir Frankie Crisp sur All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, ce sera Love is a many splendid thing, da, da, da, da, da, sur Sentimental Journée en 1970. Quant aux Beatles, le basique, le classique. She loves you, yeah, yeah, yeah, avec la remarque du père de Paul McCartney, yeah, yeah, yeah, tu devrais dire yes, yes, yes, ce serait mieux. En tout cas, comme dit Paul McCartney, Happy New Year! que j'aime cet album. Je vais vous rejoindre sur Facebook dans quelques instants, dans le groupe La Saga des Fab Four. Bien sûr, il faut que j'arrête alors que je ne rêverais que de laisser courir le disque, mais on y reviendra tout à l'heure. À la fin des 70s, la scène musicale est fortement chahutée par deux mouvements très distincts. Le punk d'un côté et la disco de l'autre. Paul McCartney, qui avec les Beatles puis les Wings, règne en maître sur le box-office depuis deux décennies, entrevoit alors, avec ses déferlantes, une potentielle menace à son leadership, et c'est bien peu dire. Le temps où il donnait le « là » à toute la planète est indéniablement révolu. Et cette nouvelle composante, loin de l'accabler, le pousse à réagir, à éviter de se laisser distancer. Côté disco, il a tout récemment tenté à sa façon une incursion couronnée de succès avec la parenthèse que constitue « Goodnight Tonight », fait la même année, en 45 tours. Cette volonté de s'inscrire en permanence dans son époque se manifeste également avec l'apparition de Back to the Egg, ultime album des Wings dans une nouvelle formation et en totale rupture avec la formule qui assurait son succès jusqu'à présent. Comme il le fera chaque fois qu'il se sent en danger, Paul se retourne vers les fondamentaux du rock dans un registre franc, direct, dégraissé. Un objectif que confirme clairement le titre Back to the Egg, retour à l'œuf. On y trouve donc des rocks très durs et charpentés, auxquels il ne nous avait plus guère habitués, Getting Closer, Speed It On, Old Siamser, côtoyant On ne se refait pas, quelques douceurs de facture acoustique. After the Ball, Million Miles, Baby's Request sont des titres de très grande facture, donc de très grands moments, et rappellent si nécessaire que McCartney n'est pas seulement un compositeur de génie, mais aussi un immense interprète. C'est vrai qu'à cette époque-là, il avait une voix totalement extraordinaire. Voici John Lennon maintenant, en 1970, avec Intuition sur RIG. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Just a little town. Everybody trying to put us down. Vous avez suivi l'extraordinaire documentaire Get Back sur la chaîne Disney+. Vous avez appris qu'au moment de Let It Be, mais vous le saviez aussi si vous avez vu le film auparavant, au moment de Let It Be, George Harrison en avait marre d'être mal considéré, juste deux chansons, alors qu'il fourmillait de chansons, il en avait plein dans sa besace à ce moment-là. Et il avait envie de quitter le groupe. Et puis il est revenu parce qu'on est venu le chercher, et puis tout ça, tout ça. Et la preuve qu'il avait plein de chansons dans sa besace, il nous sort en 1970 un album fabuleux qui s'appelle All Things Must Pass. Voici un extrait, l'extrait qui est la ressortie en 2021, pour les 50 ans, en fait ça aurait dû être en 2020, pour les 50 ans de l'album, avec un dépoussiérage et un nouveau mixage du plus bel effet. Voici Ballad of Sir Frankie Crisp sur RIG. Yeah. Pascal, qui non seulement est un auditeur fidèle de la saga des Fab Four, mais qui en plus est présent dans le studio ce soir, me faisait remarquer que cette chanson-là, on l'entend dans le début de Grease, le film Grease, avec en instrumental. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est une très belle chanson, une reprise hein, de Ringo Starr. C'est en 1970, il n'a fait que des reprises pour faire plaisir à sa maman, Dixit Ringo Starr lui-même. Mais ça lui va très très bien. Alors, au teint, non, mais à la voix, en tout cas, oui, ça c'est clair. Nous avons écouté successivement Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Avant d'écouter les Beatles, nous allons vous proposer de prendre note du meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. Le meilleur site, c'est le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur beatlesmagazineuk.com. 24 heures sur 24. 7 jours, même 8 jours, 8 days a week. C'est la salle. Parfois de réécouter des vieux titres comme ça, parce que quand on se dit que en 1963 She Loves You, yeah yeah yeah, et 1967 I Am the Walrus, Cuckoo Cuckoo, la différence, 4 ans seulement entre ces deux titres, et il y a un monde entre ces deux chansons là. Les années 60, ça a été vraiment une évolution complètement dingue d'un point de vue technique déjà, et puis aussi d'un point de vue mélodique, etc. Et tout ça guidé pour la plupart par Guy, mais par les Beatles par exemple. On retrouve l'album de la semaine. On est ouvert ce soir. We're Company Tonight, suivi de Speed It On. Paul McCartney sur RG. Cet album qu'il vous faut avoir dans votre discothèque, cet album qui s'appelle Back to the Egg en 1979, Monsieur Paul McCartney. Understand when I say that something. rabbit inside. It's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand. When I feel that something, Éric Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Éric Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. C'est un peu exagéré quand même. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Pascal me faisait la réflexion hors antenne, cette capacité phénoménale qu'ont les Beatles à faire reconnaître leurs chansons avec une seule note. Reprenez dans votre tête le riff de A Hard Day's Night. On sait que c'est A Hard Day's Night. Prenez I Feel Fine, la première fois qu'on faisait il y avait du Larsen avec la musique, je ne sais plus comment on appelle ça, trop près du haut-parleur. Ils l'ont gardé en début de chanson. Du coup, dès qu'on entend ça, on sait que c'est I Feel Fine. Voilà, c'est quand même assez fabuleux. Ce disque-là, I Want to Hold Your Hand, est sorti en novembre 1963 et I Feel Fine en novembre 1964. Parce que c'était ça, les Beatles. Au début, en tout cas, deux disques par an. Des 45 tours entre les disques. Et à partir de 64-65, en plus des tournées qu'ils faisaient, ça, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, il y avait aussi des films. Et pour eux, il travaillait juste 8 jours par semaine, je crois un peu plus quand même. Alors quand on osait traiter par exemple Lennon de feignant, lui-même le disait. Je ne fais que dormir, I'm only sleeping par exemple, c'est exagéré quand même. When I'm down, really in, and I don't know what I'm won't do it again. Qu'on n'écoute pas assez souvent celle-là. Asumasen, I'm sorry, c'est John Lennon en 1973 sur l'album Mind Games. Je vous propose de revenir du côté des Beatles dans cette saga numéro 515, 16, 17. Oui, 517, j'ai des nouvelles lunettes, j'ai du mal à lire encore pour l'instant. Donc mes yeux s'habituent. 517. Donc l'album de la semaine c'est toujours Back to the Egg. Je suis Thierry Gallet, je vous accompagne jusqu'à 22h02 a priori. Et maintenant retour aux Beatles. Avec cette chanson, vous savez, Day Tripper sur RIG. Now quelle basse, quelle batterie, quelle voix, quelle guitare électrique, quelle touche que vous voulez, c'est les Beatles. Et c'était en décembre 1965. Et 14 ans plus tard, sur l'album de la semaine, l'album Back to the Egg, McCartney nous sortait ce titre que j'adore écouter, mais vraiment à fond, à fond, à fond. Old Science. Montez le son, vous avez le droit. RG 90.7, c'est la radio des Beatles. Run. C'est beau. All Things Must Pass, George Harrison, c'est la version de 2021. Et puisqu'on est en 2022, et bien justement, c'est le moment de l'appel aux dons. Vous savez que la radio est en difficulté et nous comptons sur vous. Voici le message. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction@rigfm.fr. Direction@rigfm.fr. Et je vous rappelle que certains d'entre vous, auditeurs de la saga des FAPOR, l'ont déjà fait. D'autres le feront probablement et certains ne le feront pas. Ça n'est pas grave. Tous les dons sont acceptés et que merci beaucoup déjà d'avoir la gentillesse de le faire parce qu'on en a besoin. C'est une radio associative et si vous voulez que la radio continue et si vous voulez que la saga continue parce que je ne suis pas du tout certain d'arriver à retrouver une radio si jamais celle-ci finissait par s'arrêter, eh bien, ce serait sympa de faire un petit don, 5, 10, 15, 20, 50, 1000, 5000, 30 000, 1 million, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Thank you. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Chanson écrite par Paul McCartney, avec Ringo Starr qui a pris un verre d'eau, une paille, et qui a fait brrrr dans la chanson. Vous voyez les effets spéciaux de l'époque, hein, en 1960 et des poussières. C'était pas compliqué quand même, mais ça marche, voilà. Je vous propose de rester avec Ringo Starr, puisqu'on l'a entendu il y a quelques secondes, et de le retrouver dans l'album Rotogravure de 1976, avec cette reprise excellente au demeurant. Hey Baby sur RIG. saga des Fab Four que vous écoutez. Cette émission qui a été imaginée par votre serviteur en 1984, alors je ne sais plus quand. À un moment de 1984, je l'ai créé. On a fait, comme mon anniversaire, c'est au mois d'avril, on a décidé que c'était au mois d'avril que j'ai dû créer cette saga des Fab Four. Je ne m'en souviens pas. Donc, arbitrairement, ça date d'avril 1984. En 2014, on a fêté les 30 ans de l'émission. En 2024, en avril 2024, c'est après-demain, on fêtera les 40 ans de l'émission. J'espère être encore là. J'espère que la radio sera encore là. J'espère que vous, les amis, vous serez là et que vous en aurez parlé autour de vous de façon à ce qu'il y ait le plus de personnes possible à l'écoute de cette belle émission que j'anime avec grand, grand, grand plaisir chaque mercredi entre 20h et 22h sur RIG 90.7. C'est la radio de quoi ? La radio des Beatles. Oui, merci. On revient à l'album de la semaine. Avec cette chanson très très sympa, il va vraiment dans tous les styles, Paul McCartney, c'est son habitude, c'est son grand génie de pouvoir être bon dans tous les styles. Voici la chanson A Road Through Me sur l'album Back to the Egg. Je vais concilier bonne musique et beauté physique. Et charme de la voix aussi. Dans quelques instants, on va entendre la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en carrière solo. Même si eux-mêmes, à l'époque, reprenaient une chanson faisait la cover de quelqu'un. Je vous cite par exemple George Harrison qui en 1981 chante Baltimore Orioles. C'est une cover, mais le but de la cover de là, c'est un artiste ou même peut-être vous qui reprend une chanson que eux ont chantée. Cette chanson-là, c'est If Not For You de George Harrison, forcément, chantée par la très très belle Olivia Newton-John. Là, voici cette chanson. C'était en 1971, il me semble, j'essaie de retrouver. Oui, sur l'album If Not For You, d'ailleurs, carrément. Vas-y, Olivia, quand tu veux. If not for you, babe, I couldn't even find the door. I couldn't even see the floor. I'd be sad and blue. Merci Olivia. Et vous savez, je suis content d'avoir pu mettre dans les statuts de la saga des Fab Four l'année dernière, il me semble, c'était une nouveauté de l'année dernière, d'avoir pu mettre après la cover une chanson qui n'appartient pas tout à fait à l'univers des Beatles ou à l'univers des Fab Four. Là, en l'occurrence, il s'agit de Danny Lane qui, sur l'album Back to the Egg, nous chante une chanson. Avant, je m'interdisais de la passer parce que elle n'est pas chantée, elle est chantée dans les chœurs par McCartney, mais pas en voix principale. Voici Again and Again and Again sur l'excellent album Back to the Egg. School. You don't wanna be the one that's cool. paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Face A à l'instant, Paperback Writer, sorti en juin 1966, et le temps de retourner le disque. Ça a été dur parce que c'était un CD, je me suis rendu compte juste à temps que l'autre face n'avait rien. eh bien, je vous ai passé Rain, qui est donc sur l'autre face qu'ils ont prénommée la face A aussi. C'était une originalité des Beatles. Là aussi, pourquoi pas? C'est bien, c'est très très bien. L'album de la semaine, c'est toujours l'album Back to the Egg. C'est toujours la saga des Fab Four numéro 517. Je suis toujours Thierry Gallet, je ne changerai pas a priori. Et voici le moment doux, le moment serré, le moment on se parle en se regardant dans les yeux et on a envie de faire plein de choses. After the Ball, Million Miles, c'est Paul McCartney sur RG. After the ball, you were the one, out in the hall, you were the one who would love me, after the ball. Que cet album est renié par l'auteur lui-même. Bon, même s'il a repris quand même une chanson, il a repris Baby's Request sur l'album Kisses on the Bottom, mais il n'a jamais rien chanté en concert. Si, en fait, si, sur un concert qui n'est pas officiel, pas à Kampuchea, mais à Glasgow, que j'ai. Mais c'est normal, c'était en 79, donc il a mis quelques chansons dessus. Mais quel dommage qu'il ne l'ait pas refait après, parce que Cet album mérite d'être en concert. Cet album est vraiment très, très, très bon. La suite de la saga, c'est maintenant. Avec qui ? Une des chansons que vous adorez, Vod et Karl Mern sur RG, 1998. That you've been looking through. It's really hard fall after all. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? You can come and kick the bottom out. Stomp your feet, scream and shout, let it go. Quite as bad as you think it is. 'Cause every bad day turns around. Forgive yourself for all the things you did. The medical man don't lay down. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Scream and shout, let it go. Let it go. And when the sun comes shining through for you, you'll discover even rainbows have the blues. Yes, I know. Feel like giving up? Don't you know life is tough? Let it go. Don't you know? Come on, keep the bottom up. Scream and shout, let it go. Let it go. When you feel like giving up, when you feel like you've had enough, let it go. Il est bon, Ringo. J'adore ce Ringo-là. Vote comme man sur RG. 1, 2, 3, 4. chanson rejetée de l'album Somewhere in England en 1981, Flying Out. Et elle a été réintégrée dans le remaster qui est paru assez récemment. Vous imaginez, on en parlait il n'y a pas longtemps avec certains d'entre vous, si John Lennon était resté vivant en 1995, qu'est-ce qu'il se serait passé pour la fameuse anthologie des Beatles ? Eh bien, peut-être qu'on aurait eu le droit à l'anthologie telle que nous l'avons eue. Mais au lieu d'une chanson par album faite par les quatre Beatles, puisque Harrison était encore vivant en 1995, on aurait peut-être eu le droit à un album complet de 14 chansons, juste un tour comme ça, histoire de se faire plaisir. Et quel aurait été cet album ? Qu'est-ce qu'il aurait été ? Certainement absolument fantastique. Hélas, on ne peut pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Mais on peut toujours écouter Free as a Bird, rappelez-vous l'émotion ressentie à l'époque. says a word. Everybody's making love, and no one really cares. There's napkins in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. And no one makes a move. Well, everybody's a winner. I have nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's trying, and no one leaves the ground. Well, everybody's crying, and no one makes a sound. There's a place for us in movies. You just gotta lay around. Cette chanson aurait pu figurer sur l'album Double Fantasy et on aurait viré par exemple les chansons de Yoko Ono. C'est une idée comme ça, puisqu'elle a été créée en même temps que l'album Double Fantasy, forcément. Et elle est sortie 4 ans plus tard sur l'album Milk and Honey. Voici l'avant-dernière chanson de la, pas de la saga, mais de l'album de la semaine. Voici Winter Rose, Love Awake. C'est rond, c'est rond, c'est rond. Tiens, dans quelques minutes, il y aura Eric pour sa rentrée en fanfare avec Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, love, love, love. Shine your we forget it every now and then. But if you don't feel it, later on you'll regret it. And if we let it, we could say. Franchi dans la saga des femmes fortes. imaginer un album entier fait par les quatre ex-Beatles en 1995, ça aurait vraiment été extraordinaire, j'en suis sûr. On se fait rapidement en courant un deuxième et dernier appel aux dons. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction @rigfm.fr. Direction @rigfm.fr. La radio a 40 ans et l'émission La Saga des Fab Four aura 40 ans dans 2 ans, en 2024, si la radio existe toujours. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows. Credit card. forget about my rings and things. And the bottom for your nose. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But you won't see my face no more if you don't stop telling lies. I don't believe you. You seem so happy when we fight, so I won't be coming home tonight. No lie, no lie. I said all that there is to say. You better make up your mind. If you look into these lonely eyes, truth is what you'll find. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But the next time that you do me wrong, I'll be kissing you goodbye. I don't believe you. 'Cause I've been lying. Accueillir Eric comme il se doit. So glad to see you here, Eric. c'est la rentrée, alors faudra que Eric me pardonne hein, d'avoir débordé un tout petit peu, un tout petit peu. Merci d'avoir écouté cette saga de rentrée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. À très bientôt et je vous laisse, je sais, entre de très bonnes mains avec une voix de suave, une voix genre Barry White. Salut, c'est Eric. Et ça va très bien se passer. À bientôt, salut, bisous aux filles, poignée de main aux garçons. Et puis avec le Covid, ben voilà, on se débrouille. À bientôt.